Indian Crew, Arc-en-Ciel, Orléans. Ah, la radio, l'activité radio, l'activité solaire, les ondes, les fréquences, et tout ça, eh bien, on va en parler pendant 2 heures avec quelques surprises au niveau de la musique, bien évidemment. Mais avant juste de commencer cette émission de 2 heures, je tiens à vous préciser qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'invité dans le studio. Je vais moi-même animer cette émission. Voilà, je vous parlais un petit peu de radio et qui va se dérouler en 3 volets. Alors, pour la partie d'aujourd'hui, c'est la genèse de la radio, qu'elle soit de communication, de loisirs ou de la radiodiffusion, donc les stations radio qui émettent. La semaine prochaine, là par contre, j'aurai un invité qui sera par téléphone, il sera dans le département 85. C'est un habitué de la radio, puisque c'est lui qui a fait la première émission avec moi, ce n'est autre que la personne de Jean Guibray, qui viendra nous parler de sa passion que nous avons eue en commun, et c'est un petit peu ce qui nous a fait connaître et qui nous a unis. Et j'aurai aussi la possibilité d'avoir un autre ami qui devrait être avec moi dans les studios, qui est en l'occurrence la personne de Nicolas. Donc ça sera pour le 5 février. Et le 12 mars, nous aurons un troisième volet, ce que je n'ai pas pu avoir l'invité avant. Il sera par téléphone et il communiquera avec nous donc par les ondes hertziennes et par le côté du téléphone. Et nous passerons donc par les relais et nous parlerons un petit peu de son association qui fait du secours radio moderne avec les PMR. Et il sera donc en présence avec nous par téléphone et j'aurai aussi l'occasion d'avoir pour la deuxième fois Nicolas qui sera avec moi dans les studios pour parler un petit peu de toutes ces choses-là. En attendant, je vais passer un petit coucou à une personne que j'estime beaucoup, qui a coécrit le livre avec moi. On a écrit un livre à 3, on avait 6 mains donc pour écrire le livre, sur le clavier bien sûr. Donc je fais un petit coucou à une personne qui est un petit peu loin. Mais bon, on lui souhaite quand même qu'elle ait meilleur temps que nous. Salut 88 à toi, Ludivine. C'est Ludivine Marie qui est l'administratrice d'un groupe Facebook qui s'appelle Sibi Passion, qui a quelques milliers d'abonnés, qui est donc sur la région de département 13. J'y arrive. J'ai eu aussi donc le petit coucou de Jean-Guy qui est derrière à l'écoute. Salut à toi, Jean-Guy dans le 85. Et puis Nicolas qui est du côté de vers par là, dans le nord, vers Artenay, Neuville-aux-Bois, quelque chose comme ça, qui nous fait un coucou et qui viendra avec nous. Alors je vais vous parler que, en fait, depuis la nuit des temps, l'homme est un animal grégaire. Son ingéniosité n'a eu qu'un seul but, c'était celui d'échanger le plus d'informations possible, le plus vite et le plus loin possible. Donc, tout d'abord, il y a eu les signaux comme le visuel, tout ce qui était les tags de l'époque sur les rochers, parce que c'était déjà des tags, hein, faut pas l'oublier, on en a maintenant plus moderne sur nos murs. Ensuite, après ces tags, le fait de communiquer a toujours été dans le fait des calernes, donc l'homme dessiné, pour déjà témoigner. Ensuite, on est passé dans l'Antiquité, il y a eu les grands feux, vous savez, les feux de camp, les feux qui étaient bien plus qu'une simple source de lumière. C'était le premier réseau de communication à haute vitesse. Pourquoi ? Je m'en explique. Et tout ceci pour l'humanité un petit peu partout, dans tous les pays. Ça a été d'abord un signal d'alarme pour la défense. Dès qu'une armée ennemie ou une flotte suspecte était repérée, on allumait un feu, on signalait ça. Donc l'intérêt était que l'information voyage beaucoup plus vite qu'un cavalier, par exemple, ou un homme à pied avec des parchemins. Et en quelques heures, une capitale puisse être prévenue d'une invasion située à des centaines de kilomètres. Parce que c'était répété de feu en feu, bien sûr. Ensuite, il y a eu... presque en même temps, mais pour ainsi dire, le phare pour la navigation. Il faut savoir que le mot phare vient d'ailleurs de l'Antiquité, de l'île à Alexandrie, c'est l'île de Pharos. Voilà. Et il faut savoir que ces grands feux servaient de repères visuels aux marins. Ils signalaient l'entrée d'un port ou la présence de récifs dangereux. Sans cela, la navigation nocturne était quasiment impossible et très risquée. Je pense qu'il est déjà temps bientôt de faire notre première escale musicale. Juste le temps de sortir de mon cockpit, d'aller dans la cabine d'à côté. Je vais aller chercher deux cailloux, parce qu'aujourd'hui je transporte des cailloux et je vais les frotter pour la suite. D'autre que Monsieur Johnny Hallyday, en allumant son feu, n'est là que pour redonner un petit peu le peps à cette radio et en même temps vous redonner le courage à toutes et tous à qui on pense fortement. Et j'ai un petit clin d'œil, un petit message à toutes les personnes qui sont sinistrées de par la France, voire un petit peu aussi à l'étranger, à qui je pense beaucoup. Et on va donc continuer avec cette émission. Sachez aussi qu'il pourrait être, on en parlera la semaine prochaine, avoir d'autres moyens de communication si jamais ils n'ont plus d'électricité. Mais ça, c'est un autre débat. Parfois, le feu servait à annoncer un événement précis comme l'échouage d'une baleine qui amenait son lot de nourriture, de graisse par exemple. On a eu un petit peu après les tambours qui ont également joué un grand rôle dans la communication de distance et de rassemblement. Ils annonçaient les mariages, les décès, les naissances ou les cérémonies religieuses. Il créait une vibration commune qui soudait en fait le groupe, le village en donnant de l'information. Comme par exemple pour nos anciens, les roulements de tambour des gardes champêtres de nos aînés dans nos villages d'antan, où ils venaient annoncer un petit peu sur la place du village ou dans les rues les annonces d'information. Il n'y avait pas tous les réseaux à cette époque-là et des fois c'était pas plus mal. C'est pas plus mal. Il y a eu aussi le téléphone de la jungle. Alors, qu'est-ce que le téléphone de la jungle? C'est la communication, bien sûr, à longue distance. Mais il faut savoir que dans les régions où les végétations étaient trop denses pour voir les feux, ou les fumées, comme en Afrique, en Amazonie, ou en Asie du Sud-Est, on utilisait des tambours à fente qui étaient faits dans des troncs évidés. Ce n'était pas juste pour faire du bruit, non. Les langues locales étant souvent tonales, le sens des mots changeait selon la hauteur de la voix, et c'est comme ça qu'ils arrivaient à communiquer. Voilà, les batteurs reproduisaient des mélodies de la parole, en fait. Le son pouvait porter de 8 à 10 kilomètres, suivant les frappes et les tambours. En plaçant des relayeurs tous les 8-10 kilomètres, une nouvelle pouvait traverser un pays en tirant quelques minutes, comme tout à l'heure, pour annoncer certains problèmes, pour aller jusqu'à une capitale, par exemple, pour qu'elle puisse se défendre. Ben là, c'était pour des sujets bien précis, voilà. C'est le véritable ancêtre du réseau hertzien, on va en parler des hertz, mais voilà, c'est le véritable, avant toute chose, hein. Outre-Atlantique, Geronimo perfectionnait les signaux de fumée. Eh oui, les signaux de fumée sont souvent perçus comme un cliché de western, mais que nenni. C'était une technologie de pointe très rigoureuse, un code visuel sophistiqué. Contrairement à ce que l'on pense, les Indiens d'Amérique, notamment les Apaches et les Cheyennes, ne cherchaient pas à envoyer des phrases complexes. C'était un système de messages rapides, préétabli entre tribus. Ils utilisaient une couverture pour interrompre le flux de fumée et créer des bouffées, établissant ainsi une messagerie cryptée. Et oui, ça a débuté par là. Experts en combustion, les Indiens utilisaient du bois vert ou des herbes humides pour obtenir une fumée bien épaisse, blanche et visible de très loin. Mais si le message devait être vu dans un ciel clair, ça posait problème. Alors, ils pouvaient ajouter des matières grasses ou des excréments séchés pour noircir la fumée et créer un contraste. C'était en quelque sorte le Wi-Fi des plaines. Les signaux étaient placés sur des points hauts, comme tout à l'heure pour les feux, puisque c'en est aussi. Un message pouvait être relayé de colline en colline, de but en but. En quelques minutes, une information pouvait déjà parcourir des centaines de kilomètres bien plus vite qu'un Indien à cheval au galop. Les Indiens savaient que leurs ennemis, les colons et d'autres tribus, pouvaient voir la fumée. Alors, chaque tribu avait son propre code secret. Eh ouais, on y vient au code secret. C'est l'ancêtre du cryptage des données. Voilà. Eh bien, on va passer sur une petite phase musicale numéro 2, c'est l'escale, hein, avec un intitulé de The Last of the Mohicans, je vais y arriver. Et donc, c'est parti. voilà, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 Orléans. Vous êtes en compagnie de Didier dans Didier & Co. Et nous sommes actuellement en train de décortiquer un petit peu toute l'histoire, la genèse de la radiocommunication, la radiodiffusion, la radio de loisirs qui se fera en trois volets. Donc aujourd'hui, c'est la genèse. La semaine prochaine, avec un invité par téléphone qui est dans le département 85, ça sera la découverte ou la redécouverte de la Citizen Band. Je me suis aperçu que beaucoup d'auditeurs, beaucoup de personnes, surtout les moins de 30 ans, ne connaissent pas du tout ce moyen de communication. Et puis bon, se le remettre, parce qu'il pourrait être au goût du jour avec tout ce qui se passe en ce moment avec les inondations. Il faut voir que la Citizen Band pourrait être très utile. Malheureusement, elle est très peu utilisée. Voilà, il suffit simplement d'un poste émetteur, un petit poste. Il suffit simplement d'avoir une petite antenne, d'avoir un accu de voiture, si votre voiture ne peut pas rouler, branchez ça et ça peut vous aider à communiquer et de rester en contact avec les gens et de passer le temps sans électricité. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil que je voulais faire donc aux gens qui pratiquent encore la CB et en sachant très bien que beaucoup de ces personnes-là ont été très utiles. On en parlera donc la semaine prochaine avec donc Nicolas et Jean-Guy, voire peut-être éventuellement Ludivine. Si je peux l'avoir au téléphone, ça sera bien. Voilà, j'aurai simplement besoin d'un support technique et ça devrait se faire. Donc pendant ce voyage avec le Mohican, on a traversé les steppes, on est passé dans les canyons à cheval et on est arrivé en 1900, oh là, qu'est-ce que je raconte, je vais trop vite là. J'étais plus qu'au galop, on est arrivé en 1794. C'est là où le premier vrai réseau structuré est né, avec un Français qui s'appelle Claude Chappe et son télégraphe optique sémaphore. Le télégraphe de Claude Chappe, c'est une étape cruciale. C'est le moment où la communication passe de l'artisanat, du feu de bois, des pierres et tout ça, à une véritable administration d'État. C'est le premier réseau de télécommunication au monde. C'est la naissance de la télécommunication moderne. Et oui, on va y arriver. La naissance dans l'urgence est née au niveau de la Révolution française. La France révolutionnaire était attaquée de toutes parts. Il fallait que Paris puisse envoyer des ordres aux armées qui étaient aux frontières en un temps record. En 1794, je vais y arriver aujourd'hui, la première ligne reliée Paris à Lille. Les premiers messages annoncent la reprise de la ville de Condé-sur-Lescaut aux Autrichiens. Bah oui, les Autrichiens venaient jusqu'à chez nous pour essayer de nous prendre un petit peu de terrain, les vilains. L'info arrive à Paris en moins d'une heure, là où un cavalier aurait mis au moins, je pense, une journée entière. Le mécanisme de ses bras. Alors, qu'est-ce qu'était le télégraphe, premier télégraphe articulé? Sans fil. Ce n'est pas encore de l'électricité, c'est de l'optique. Sur le toit d'une tour, souvent, en haut d'une église ou toujours en haut d'une colline, un point haut, un point culminant, un grand mât était installé avec un bras principal, c'est ce qu'on appelait le régulateur. Il y avait de chaque côté deux petits bras aux extrémités, qui étaient dénommés d'ailleurs des indicateurs. En changeant les angles des bras, on pouvait former 92 positions différentes. Ces positions renvoyaient à un livre de codes secrets. Et oui, on est toujours dans les codes secrets, on y arrive. Par exemple, une position signifiait à la page 12 et un autre, entre autres, le mot 4 qui avait une signification dans ce code et c'était très précis. Voilà, page 12 et une autre, le mot 4 et cette 4, la personne en face savait de quoi il en recourait, voilà. Donc c'était un des premiers réseaux de stations relais, ouais, comme on a les relais aujourd'hui, herdiens ou autres. C'est là que se rassemblent un petit peu nos antennes radio d'aujourd'hui, en fait, comme je venais de le dire. Les tours étaient placées pour des petites distances, toujours les 10-15 km, hein, le télégraphiste, entre parenthèses, regardait la tour précédente avec une lunette astronomique. Et les lunettes où on peut voir loin, comme on peut voir maintenant sur la Lune et autres. Mais bon, ils n'avaient pas celle-là, ils en avaient d'autres, hein, un petit peu plus longues et un petit peu moins modernes. Dès qu'il voyait un signal, il le reproduisait sur sa propre tour pour que le voisin suivant puisse le lire, et ainsi de suite. Le point faible de ce moyen de communication, ce premier moyen de communication, c'est que ça ne marchait pas la nuit. Ben non, il n'y avait pas d'infrarouge à cette époque-là. Et ni par les temps de brouillard, et ils n'y avaient pas pensé. Voilà. Alors, c'était du secret défense, bien évidemment, puisque c'était pour le côté un petit peu guerrier, le côté armé. Les opérateurs des tours ne savaient même pas ce qu'ils transmettaient. On leur disait, voilà, tu fais ça, t'articules comme ça, et puis c'est tout. Et ils se contentaient de copier les positions des bras. Et ce sont les directeurs qui étaient aux extrémités de la ligne qui possédaient le dictionnaire pour traduire les messages, tout simplement. C'était le début de la confidentialité des transmissions, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez voir un jour, si vous passez du côté de Bâcon, vers Vimain-sur-Loire, vous avez une personne qui a reproduit, il y a une tour chape qui est là, un petit peu, je l'ai découverte il y a quelque temps lors de mes balades en vélo, et voilà, j'ai été agréablement surpris de voir qu'on pouvait l'observer. Donc si vous voulez observer à quoi ça ressemblait, vous allez du côté de Bâcon, vers Vimain-sur-Loire, Huisseau-sur-Mauves, tout ça, et vous pouvez l'observer, ou éventuellement avoir la possibilité de voir le propriétaire et de visiter, mais ça, moi, je l'ai jamais vu encore, hein, pour l'instant. Donc là, on arrive dans l'acte 2, on a une petite fée qui est arrivée, c'est pas la fée du logis, c'est la fée électricité et le code. Le grand tournant qui survient au 19e siècle. Alors là, on va entrer dans le dur. Alors, quelques dates, hein, pas toutes, hein. On va donner les principales quand même. En 1820, c'est André-Marie Ampère qui découvre le courant électrique en mouvement, ouvrant la voie au fil. Eh oui, avec les fils électriques. En 1844, vous voyez, ça va assez vite, hein, il y a 20 et quelques années d'écart, c'est Samuel Morse qui valide son génial système de qu'on appelle la pioche en code radio, et qui fait un code universel, et oui, on est toujours dans les codes pour transmettre. Alors c'était ce qu'on appelle le bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip, vous savez, on va le réécouter tout à l'heure, qui transforme l'électricité en alphabet. Donc il y a un alphabet qui était donné, et voilà, les personnes commençaient à savoir, il y avait les transcripteurs, et les personnes décodaient le Corse, donc le Morse, pas le Corse, j'ai dit le Corse, le Morse, et ça allait beaucoup plus vite, bien évidemment. C'est la conquête de l'invisible, et c'est ce qu'on appelle la télégraphie sans fil, TSF. Mais l'homme veut s'affranchir des câbles. Alors, dans les pionniers de la radio, en 1888, on a un Allemand qui s'appelle Henri Hertz. Eh tiens, un nom qui m'est pas inconnu, Henri Hertz, qui prouve l'existence des ondes. En 1890, ce n'est autre que Monsieur Édouard Branly qui découvre le principe de la radioconduction. Avec cette découverte, quelques 20 ans plus tard, Édouard Branly deviendra en quelque sorte, et vous saurez pourquoi, le sauveur de la grande dame de fer nommée Tour Eiffel. D'où l'attribution de son nom, pas la Tour Eiffel, hein, mais le quai Édouard Branly, juste à côté de la grande dame. En 1895, vous voyez, ça se touche, hein, 90, 95, ce n'est que Alexandre Popov qui invente l'antenne filaire. Et oui, Nicolas, si t'es derrière, si tu veux savoir qui c'est qui a inventé tes antennes, c'est Alexandre Popov. Je vous dis ça parce que je sais que Nicolas, qui est à l'écoute, qui viendra là la semaine prochaine, est un grand fervent de la longue distance et a fabriqué ses propres antennes filaires et autres. Pour communiquer avec le monde entier, mais ça, c'est secret défense pour l'instant. Un élément crucial pour capter les ondes électromagnétiques, l'antenne filaire. Dans les mêmes années, c'est Guglielmo, je répète, Guglielmo Marconi, qui s'appuie sur les travaux. Marconi, ça vous parle, hein? Pathé, Marconi. Non, c'est pas le footballeur. Hein. Non, ça, c'en a un autre qui s'appuie sur les travaux de Hertz, de Branly et de Popov pour expérimenter et perfectionner la télégraphie sans fil, donc la TSF. À cette époque, on transmet surtout des signets courts et longs en code Morse. Et je crois qu'il est l'heure de passer sur un extrait de Rhapsody. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 MHz. Et oui, comme le signale le jingle, vous êtes toujours avec Didier dans l'émission Didier & Co. Radio Arc-en-ciel 96.2. Nous sommes donc en FM sur fréquence de modulation de fréquence à Orléans avec un émetteur hertzien bien sûr. Et puis nous sommes aussi en streaming sur le web. Là d'ailleurs, où peuvent nous écouter les différentes personnes, le divine que j'ai cité tout à l'heure, voire. Alors, je poserai la question à Nicolas s'il entend le 96.2 ou s'il est sur le web, si on pousse jusqu'à là-bas, parce que bon, il y a une certaine limite de diffusion, FM, hein, bien sûr. Et puis, donc, vous pouvez nous rejoindre aussi dans le monde entier, sur le streaming, sur la station de streaming, donc d'arc-en-ciel.com. Voilà, donc. Après cet intermède donc de Rhapsody que j'ai un petit peu écourté parce qu'elle est un petit peu longue, bien évidemment, vous en doutez, on est passé dans un moment très calme. On revient un petit peu à notre émission. Donc en 1906, c'est Reginald Fessenden qui lui est crédité comme l'inventeur de la radiophonie. Ah, on y arrive à la radiophonie, mais pas que. Il a fait aussi les cages de Faraday, hein, entre autres. Voilà, il faisait plein d'expériences dans ces époques-là, sans gros moyens, on en fait toujours, avec des moyens un petit peu différents. Mais voilà, ce n'est que l'évolution, voilà, tout simplement. Donc il réalise une percée historique en utilisant le procédé de Guglielmo Marconi pour transmettre la voix humaine. Et oui, parce qu'avant 1906, la voix humaine, eh ben, elle passait pas dans les ondes, elle passait pas. Ils avaient pas découvert, c'était pas encore fait. On pouvait pas parler dans un feu, ou on pouvait pas parler dans un tambour, par exemple. Donc, en réalisant cette percée historique, il a mis en relation, en fait, le procédé de Marconi pour transmettre la voix, au lieu de simples signaux qui étaient faits donc par Samuel Morse. Donc à la place d'un bip bip, ben vous commenciez à avoir des voix. C'était plus en amplitude de modulation à cette époque-là, mais c'est un système qu'on verra un petit peu plus tard dans les prochaines émissions. Puisqu'il y a trois volets sur cette émission sur la radio, parce que c'est assez long à discuter, donc voilà, on a fait ça en trois volets. Ce succès repose sur la modulation d'amplitude, c'est ce que je disais donc tout à l'heure, la M. Au lieu de simplement couper et envoyer le signal, parce que le morse et le bip-bip, c'est c'est un signal long, et quand on coupe, quand on appuie sur la pioche, ça coupe, ça met. Voilà, on fait vibrer à la place, on fait vibrer l'amplitude de l'onde pour transporter le son. Voilà, c'est tout simplement comme ça. On passe d'un système qui envoie des bip-bip, télégraphie, un système qui transmet la parole. Et si aujourd'hui on est là à la radio, si vous écoutez votre téléphone, si voilà, c'est beaucoup, c'est grâce à ces messieurs qui ont fait des découvertes, qui ont des fois pris des risques. Parce que c'était pas toujours facile pour eux. Hein. Et voilà, ce sont nos inventeurs. Et c'est cette technologie qui sauvera la vie lors du naufrage du Titanic, par exemple, en 1912. On va faire une petite aparté là-dessus. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le paquebot Titanic heurte un iceberg. Ça, tout le monde le sait, ou presque tout le monde a vu le film, bien évidemment. À 0h15, le premier CQD, come quick distress, c'est les phrases de Morse, alterné avec le message SOS, save your soul, est transmis par le télégraphiste de quart depuis le paquebot en perdition. Dans le CQD, ça veut dire come quick distress, venez vite, SOS, save your soul, sauvez nos âmes. Voilà, c'est comme ça que les messages sont passés et que les premiers bateaux qui étaient équipés, parce que tous n'étaient pas équipés radio, ont pu se dérouter et venir porter secours aux naufragés de cette tragédie. Voilà, et sauver quand même malgré tout quelques vies. Heureusement que voilà, la radio a commencé les premiers messages de secours avant les messages que l'on entend maintenant, qui nous ont envoyés maintenant par SMS, par la préfecture par exemple, ou sur des fréquences autres, avait déjà fait ses formes. Voilà, on commençait à voir l'utilité dans l'utilisation de ces moyens de communication. La technologie de la TSF, donc la télégraphie sans fil, a été utilisée pour la première fois de manière critique aussi, lors de cette catastrophe maritime. Et il faut savoir que dans les années 1889, la tour Eiffel était vouée au démantèlement après l'exposition universelle donc de 1889. Et son constructeur, donc l'inventeur de la tour Eiffel, et si on l'a encore aujourd'hui, vous saurez vraiment pourquoi elle est toujours sur pied, parce qu'elle devait être démantelée normalement. Il avait une rétrocession de 35 ou 40 ans, quelque chose comme ça. Et Gustave Eiffel Ouais, voilà, c'est une concession pour 20 ans. La tour doit être détruite en 1909. Voilà, logiquement. Et c'est donc pour la préserver et la protéger que son concepteur, donc comme je le disais tout à l'heure, propose de mettre l'édifice à disposition de l'armée française qui est en plein développement de la télégraphie sans fil. Là, c'était la grande mode, comme un petit peu les portables en ce moment avec tous les réseaux. Ben, à cette époque-là, c'était la grande mode du développement de la télégraphie sans fil. Après celle du fil, on est passé sans fil. L'armée profite donc de l'occasion et bénéficie ainsi de la plus haute structure pour la transmission. Ce qui lui sera très utile dans les années de guerre qui vont suivre. Mise à disposition de l'armée française en 1903, la Tour Eiffel devient l'émetteur-récepteur télégraphie sans fil le plus haut du monde et va jouer donc, comme je le disais, un rôle essentiel dans le conflit de la Première Guerre, dans ce qu'on appelle la Grande Guerre. Petite histoire, en septembre 1914, c'est la bataille de la Marne. Ça, un livre d'histoire, tout le monde le sait. Enfin, ceux qui ont appris l'histoire, du moins, ou qui l'ont retenu. Lors de cette bataille, donc, on a bien entendu parler des fameux taxis de la Marne. Et ben, c'est par le biais de la télégraphie en fait qu'on a pu les voir. C'est les télégraphistes qui étaient positionnés en première ligne du front et qui transmettaient vers la Tour Eiffel par les postes radio télégraphiques dans les tranchées ont émis jusqu'à la Tour Eiffel. Et là, ils ont appris par le biais des espions, des gens qui étaient sur le front, qui voyaient un petit peu tout, qu'il y avait un général allemand qui rencontrait de gros problèmes, mais des très gros problèmes d'intendance sur un certain axe du front. Et donc, ils en ont profité pour lancer l'information et permettre à l'état-major d'organiser une contre-attaque victorieuse, bloquant ainsi l'avancée de l'envahisseur avec ses fameux moyens de communication, les fameux taxis de la Marne qui ont amené quelques 6000 hommes embarqués à bord de 1200 taxis réquisitionnés pour le front. Source, bien sûr, Wikipédia, Internet, pour tout ce que je vous dis là. Alors, bien sûr, en France, il y avait la Tour Eiffel, mais pas que. La station, alors est-ce que je vais la dire en code ? Alors, kilo, delta, kilo, alpha, je vais dire pour les initiés, KDK, à Pittsburgh, aux États-Unis, est souvent cité comme la première station de radio commerciale à diffuser régulièrement à partir de novembre 1920, vous voyez, juste un petit peu après-guerre. En décembre 1921, depuis la Grande Dame, la Tour Eiffel, c'est le premier concert civil qui en est diffusé. Et la station radio Tour Eiffel vient de naître. La BBC est fondée en octobre 1922, établissant un modèle de service public qui influencera le monde entier. Ce qui est une autre radio célèbre. Mais en France, on a une station radio qui se dénommait Radiola, qui voit le jour en 1922. Elle deviendra plus tard Radio Paris, la première station privée de grande envergure en France. Un petit blanc. Non, pas à boire, hein, non, un petit blanc à la discussion. Cette période, souvent appelée l'âge d'or de la radio, transforme un outil militaire et technique en un média de masse qui va bouleverser la culture, la politique et la vie quotidienne. L'entre-deux-guerres va être une période fondamentale pour le développement de la radiocommunication. Musique en direct, concerts classiques ou orchestres de jazz. Eh oui, le jazz commençait à s'étendre un petit peu, venu des États-Unis, il est arrivé jusqu'en France. Bulletins météorologiques, cours de la bourse, chronique parlée et plus tard, les premiers feuilletons radiophoniques. Avant d'aller plus loin, on va simplement aller faire un tour du côté de nos musiciens orléanais et orléanaises pour vous faire découvrir un duo qui s'appelle Recto Verso. Ça n'a rien à voir, quoique le titre, il a à voir quand même, puisque c'est Fire, and Light. C'est le duo Recto Verso que vous pourrez découvrir pas plus tard que samedi prochain à l'auditorium de la Chapelle Saint-Mamin aux alentours de 20h. Et ils seront en même temps avec un autre groupe qui s'appelle Swing Camille. Donc on va vous faire découvrir, comme il est à peu près la coutume et l'heure, sur la station Arc-en-Ciel, émission Didier & Co, de faire toujours découvrir quelques perles et pépites locales. À vous, mesdames. Was wide and on the run, the bad winds are turned to dust. Too many walls, too many lines. I thought love wasn't meant for us. Then you came in like a storm, the hurricane in my cold world. One look, one spark, and everything lit up in the dark. The fire and the light, together we burn up the night. Two souls ready to fly, no fear, no chance, no goodbye. We burn bright, we shine free, taking all that life gives me. We dance on the skies of embers, nothing like nothing else was real. Every second, every moment, like tomorrow will never be. You're my echo, my gravity, a storm, a rock, burning melody. One look, one spark, and everything lit up in the dark. You're the fire, I'm the light, together we burn up the night. Two souls ready to fly, no fear, no chance, no goodbye. We burn bright, we shine free, taking all that life gives me. We don't need a permission, no excuse, no conditions. We live, we love, we rise. No one tell of other rise. In the fire, I'm the light. Together we burn up the night. Two souls ready to fly. No fear, no chance, no goodbye. We burn bright, we shine free. Taking all that life gives me. Fire, I'm the light, I'm the light. Together we'll sail the world alight. Et voilà, Recto Verso, deux charmantes demoiselles ou dames, qui étaient d'ailleurs dans l'émission Mavrika 635 de mémoire. C'était même la première où j'étais avec Albino en tant que chroniqueur, et on avait découvert ce charmant duo de femmes, et ils débutaient donc il y a à peu près un an, et là ils seront donc à l'espace Bérère pour le premier opus, donc Mavrika. Et on les recevra avec Swim Camille, et on aura le plaisir de les réécouter. Et je sais qu'elles ont performé depuis, hein, donc il y a aucun souci. Voilà, un plaisir de les écouter, de pouvoir les diffuser, comme il y en aura d'autres prochainement. Donc on aurait peut-être bien voulu les écouter depuis les postes à Galen, mais à l'époque elles n'étaient pas nées, et moi non plus d'ailleurs. On passe du poste à galène donc au poste à lampe avec haut-parleur. La radio devient un meuble central au niveau du salon. Bon, c'est un petit peu coûteux, mais voilà, on faisait des économies et il y avait pas de forfait à cette époque-là. Hein. Voilà, toute la famille se réunissait et on avait le poste au milieu et on avait quelques heures de bon grésillement dans les oreilles et on écoutait un petit peu. C'était une innovation, c'était vraiment les grands moments familiaux. Voilà, donc passer de du central à salon sur le meuble radio, on va passer aux USA avec des géants comme la NBC ou CBS qui se structurent. En France, l'État crée un service public tout en laissant prospérer des stations privées comme Radio Cité ou Poste Parisien. On invente les premiers directs sportifs, les concerts symphoniques et les feuilletons radiophoniques. Et oui, ça suit un petit peu l'évolution, ce qu'on appelle éventuellement les schwap opéra. La radio devient le média le plus rapide, devançant bien évidemment les journaux papier pour l'information. Et il y en a un qui l'a bien compris, il s'appelle Franklin Roosevelt. Et lui, il lance ses causeries au coin du feu pour rassurer les Américains pendant la Grande Dépression. À l'inverse de Roosevelt, les régimes totalitaires l'utilisent comme un outil de propagande massive. Eh oui, il faut savoir qu'en 1938, Orson Welles diffuse « La guerre des mondes » en direct. Sa mise en scène réaliste fait croire à une invasion extraterrestre et provoque un vent de panique dans le pays, prouvant l'influence psychologique immense de la radio. Eh oui, avec la radio, vous savez, on fait beaucoup de choses, on dit beaucoup de bêtises, mais on influence aussi beaucoup les gens. Voilà, mais là, on n'est pas là pour vous influencer, on est simplement là pour parler d'un brin d'histoire de ce qui nous unit aujourd'hui. La radio, de votre écoute sur Arc-en-Ciel, là, par exemple, 96.2 Orléans, dans les émissions, et là, on est simplement que la continuité de cette histoire qui, j'espère, sera sans fin. En 1939 et 45, la radio est au cœur de la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la radio est une arme stratégique. Comme en 14, elle sert à informer, mais aussi à désinformer l'ennemi. Le 18 juin 1940, il y a l'appel du général de Gaulle sur la BBC qui change le cours de l'histoire de France. Tout le monde le sait. La radio devient le lien vital entre Londres et la résistance intérieure via les messages personnels codés. Pour la première fois, les civils suivent l'évolution des fronts, Stalingrad, ou le débarquement presque en temps réel. Bon, aujourd'hui, vous savez, on a toutes les chaînes de télé que l'on voit, et même des fois bien au-delà, et s'ils pouvaient être encore plus près dans le cœur de l'action, ils y seraient. Ils ont 50 reporters toujours dépêchés, mais ça, c'est le côté avantage radio. Et à ce niveau-là, eh bien, on en était à... On va replonger dans un petit moment d'histoire. Radio Paris est allemand. Radio Paris est allemand. Aujourd'hui, 615e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Ici Londres. Vous allez entendre des informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. La villa est silencieuse. L'étoile filante repassera. Le chien du jardinier pleure. La belle aussitôt la suit. Nous disons la belle aussitôt la suit. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Et oui, ces petits messages vous ont rappelé, on les a entendus, on les a vus dans certains films, dans beaucoup de documentaires. Et c'est grâce à ça que la résistance française a pu passer des messages, à lancer des offensives au niveau de l'envahisseur, de l'Allemand. Et c'est ce qui a permis aussi de lancer les premières attaques concernant la préparation du débarquement, dans la nuit du débarquement, avec cette fameuse phrase « Les sanglots longs des violons de l'automne ». Ça, c'était l'appel. Et « Blesse mon cœur d'une langueur monotone », ça voulait dire « Allez-y, c'est parti ». Donc les gens de la résistance savaient qu'à partir de ce moment-là, le débarquement allait avoir lieu dans les quelques heures qui suivaient. D'où le sabotage et tout ça, des lignes ferroviaires, électriques, enfin tout ce qui pouvait embêter l'ennemi pour pas qu'il puisse faire parvenir des renforts sur le côté du débarquement, et puis des escarmouches à droite à gauche pour les dépayser un petit peu, pour leur faire mal, voilà, tout simplement. Donc dans ces années-là, la télévision commence à concurrencer la radio pour le divertissement familial. On est en 1947, c'est l'invention du transistor, vous savez, le petit truc qui va dans les transistors. C'est un petit élément, un petit composant, et transistor après qui est devenu le nom de la radio qui transportait qui avait ces outils-là à l'intérieur. C'est ce qui va rendre la radio mobile. Alors, là, à cette époque-là, il n'y a plus le gros poste au milieu du salon. On a des tout petits postes, beaucoup plus petits et beaucoup plus légers. Et on peut aller se balader dans la rue avec. On peut mettre ça dans les voitures, dans les poches des jeunes. C'est le passage de la grosse radio du salon au petit transistor portable qui a totalement bouleversé notre manière de vivre avec les médias. Ça, je crois que les médias à l'époque l'ont bien compris, hein. C'est un peu comme le passage de l'ordinateur fixe au smartphone de notre époque. Voilà. Avec le transistor, la radio était le foyer de la maison, mais en extérieur. Et en même temps, la famille se réunissait autour du meuble pour écouter le journal ou en concert. Mais avec le transistor, on peut écouter la radio sous la couette, dans le garage, en marchant. La radio devient personnel, un petit peu comme votre smartphone et les écouteurs que vous mettez dans vos oreilles, ou que vous écoutez tout à fait normalement via le Wi-Fi, le Bluetooth et tout ce qui s'ensuit, qui sont toujours des fréquences, hein. Le transistor a permis l'éclosion de la culture des jeunes. La radio, qui est sortie du salon, traverse même les frontières. Et c'est d'ailleurs avec une escale musicale que nous allons écouter des stations pirates du Sud avec un groupe pas connu, ZZ Top. I heard it on the air. Et voilà, un petit tour avec ZZUP pour, comment dirais-je, réveiller un petit peu tout le monde. Vous êtes sur votre canapé, vous êtes dans votre voiture, vous êtes au travail, vous avez le casque sur la tête, le patron ne vous regarde pas, vous écoutez Radio Arc-en-Ciel 96.2 et c'est toujours Didier dans Didier & Co au micro et on est toujours dans la genèse de la radio-communication, la radio-diffusion, la radio-passion, voilà, qui sera donc, comme je le répète, en trois volets. Aujourd'hui, c'est la genèse. La semaine prochaine, ça sera la Citizen Band, le réseau des 27 MHz, le premier réseau social, ne l'oublions pas. Et la semaine après, bah, ce sera une émission tout autre. Et nous reprendrons le troisième volet aux alentours du... je regarde mon calendrier, ça sera aux alentours du 12 mars. Voilà, ça sera le 12 mars. Très exactement. Donc, on commence à créer des programmes pour des publics spécifiques, les jeunes dans la chambre par exemple, les ménagères en cuisine, les conducteurs ou les agriculteurs, etc. En 1947, à Atlantic City, toujours aux États-Unis, c'est une maxi-conférence organisée par l'Union internationale des télécommunications qui légiférera sur... l'attribution et l'utilisation réglementée des fréquences. Dans les années 50 à 60, la radio devient le moteur du rock'n'roll. Au lieu de grandes émissions de théâtre radiophonique d'une heure, les radios passent à un format de diffusion de disques à la chaîne, entrecoupés par des animateurs dynamiques. Au début des années 60, au Royaume-Uni, la BBC régnait en maître. Ses programmes étaient très encadrés et elle ne diffusait que quelques heures de musique populaire par semaine. Je dis bien la musique populaire, vous savez, la pop music, plus tard. Les jeunes en plein boom du rock'n'roll, Beatles, Rolling Stones, Elvis Presley, ne trouvaient pas leur compte sur les ondes officielles. Puisque le matériel radio. Alors, puisque le matériel radio devient plus petit, les radios deviennent indépendantes, commencent à émettre depuis des bateaux. On va y venir. Comme la célèbre radio Caroline. Merci Alex de la paix de m'avoir remémoré ce morceau, ce passage-là, lors de notre interview dans Mavrika. J'avais occulté le côté de Radio Caroline. Et donc ce bateau Radio Caroline, qui était un bateau de radio pirate, un bateau pirate de radio, si vous voulez, pour diffuser la musique que les radios d'État trouvaient trop rebelles. Les DJ embarqués sur ce bateau et sur d'autres... braver les tempêtes pour diffuser de la musique à la jeunesse en pleine révolution et en pleine envie de changement de style. Et c'est là qu'a débuté I'm trying. Ah, I can't get no satisfaction, écrit bien évidemment, chanté par Mick Jagger. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit les paroles sur le bord d'une piscine, accompagné un petit peu de Keith Richards. Il faut savoir que la donnée de ce morceau est faite une nuit par Keith Richards, qui a commencé à faire son riff, qui l'a pensé. Il est en moitié endormi, il l'a enregistré, il s'en rappelle plus, et il l'a fait après, il l'a reconstruit avec une pédale fuzz. Et c'est ce qui donne ce fameux... cette fameuse signature sur ce morceau-là, I Can Get No Satisfaction, donc en 1964, est chanté par les Rolling Stones et repris bien évidemment par des milliers de groupes un petit peu partout dans le monde. Voilà, la radio, c'est la compagne et c'est l'info en temps réel. Puisque la radio est désormais partout, elle devient un média de proximité. On voit apparaître les premiers standards téléphoniques où les auditeurs appellent en direct pour donner leur avis ou dédicacer une chanson. Ah, le téléphone sonne pas. Mince. La radio s'installe massivement dans les voitures. On invente quoi ? Bien évidemment. On invente les points de trafic et les matinales, les morning shows, pour accompagner les gens au travail, un petit peu comme nos animateurs le matin, voilà, un petit peu sur toutes les radios pour vous tenir compagnie dans les bouchons ou autre. Moi, je vous tiens compagnie sur 96.2, Arc-en-Ciel, Didier & Co, le jeudi après-midi, et on finira par un petit morceau musical, bien évidemment, d'une heure environ sur un thème choisi. Et là, on va en arriver donc à la naissance, non pas de la des radios FM en fait, les fréquences, les radios en fréquence modulée. C'est là que le transistor a aussi facilité l'accès de la bande FM, qui offre une qualité sonore bien supérieure à l'amplitude de modulation, ou la modulation d'amplitude de Marconi. Et oui, on est passé à un niveau dessus. Et puis aussi, il y a la Hi-Fi. On peut enfin diffuser de la musique en stéréo. Et avant, c'était du mono, et là, ça devient un petit peu plus sympathique aux oreilles. C'est ce qui a permis à la radio de rester compétitive face à la télévision. Avant l'image, il y avait le son. Freddie Mercury chantait cette nostalgie d'un média qui nous faisait rêver rien qu'avec des ondes. Voici Queen. Ah oui, je pense qu'on peut laisser les applaudissements derrière du public, bien sûr. Quelle voix, ce Freddy. Mais quelle voix, quel génial, quel gars génial, vraiment. Eh ben, on va enchaîner tout de suite avec Video Killers Radio Star. Voilà. Les radios libres, elles apparaissent surtout dans les années 1960-1970, souvent en opposition au monopole d'État sur la diffusion, surtout en France. Jusqu'au bout des années 1980, l'État contrôle la radio via l'ORTF. Beaucoup de stations pirates émettent illégalement, pas légalement, illégalement. En 1981, il y en a un qui l'a bien compris, qui va d'ailleurs l'aider un petit peu à se faire élire. Là, c'est Monsieur François Mitterrand qui avait dit que si jamais il était élu, il légaliserait les radios. Donc, tout le monde en a profité, on a voté pour lui, il l'a fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a nos radios qui ont grandi, et qui a eu aussi le 27 mégas et tout ce système de communication. Voilà, donc les radios en 1981, les radios libres sont légalisées. Et c'est une révolution médiatique. Les radios libres explosent sur la bande FM, donnant enfin la parole aux citoyens. Cela change profondément le paysage. Un ton plus direct, des musiques, comme sur Arc-en-Ciel, beaucoup plus variées. La proximité des auditeurs et des auditrices. Et ça devient la naissance des, bien évidemment, les radios locales. Des centaines de stations naissent dans les villes, les quartiers, les villages. Ce sont des radios de proximité, parfois fragiles économiquement, mais extrêmement vivantes. La radio devient aussi associative, telle que, par exemple, pour ne pas la nommer, Arc-en-Ciel, qui fait partie de ces radios locales nées dans l'élan post-légalisation des radios libres en France. Arc-en-Ciel a vu le jour en 1985, pour mémoire. Avec ces radios, c'est un ancrage local très fort. C'est une programmation culturelle ou communautaire. C'est aussi du bénévolat. C'est la parole donnée à ceux que l'on entend peu ailleurs. Voilà, c'est pour ça que je fais venir des invités quand ils peuvent venir dans l'émission. Pour donner la parole un petit peu à tout le monde et leur laissant un temps de parole assez long pour qu'ils puissent donner le maximum de renseignements. J'aime pas le short, j'aime bien le long. Voilà, surtout sur les jambes l'hiver quand il fait froid. Ces radios prolongent l'esprit un petit peu pirate, mais dans le cadre et l'associatif. C'est une ligne éditoriale un petit peu décalée. Des émissions culturelles ou de loisirs, comme Didier & Co. en ce moment. Une grande liberté de ton, voilà. Pas celui qu'on trouve en boîte hein, ou chez le poissonnier, non. Le ton, T-O-N. Voilà, c'est pas comme beaucoup de radios standardisées où voilà, on a le même son. Là, on peut parler, on est quand même assez libre, quand même. Oui, on est libre. Max, on est libre. Voilà. C'est un esprit, mais ça c'est vrai, très atelier. Voilà, on fait des ateliers culturels. Et le principal, c'est que ces radios, surtout les radios locales et associatives, elles fabriquent et elles tissent du lien social, du lien humain. Voilà. Donc on va arriver, pas tarder, à arriver à la conclusion de cette émission qui dure un petit peu plus d'une heure et demie. C'est vrai que ça a été un grand plaisir pour moi de la préparer. J'y ai pris vraiment du plaisir et de vous avoir à l'écoute, à l'antenne, et de pouvoir construire ça sur un système de communication qui me plaît énormément. Je m'y sens à l'aise. Je suis très bien accueilli d'ailleurs, genre ici à Arc-en-Ciel. Mais j'aime ce que je fais. J'y prends vraiment goût de plus en plus. Si j'avais vraiment su que j'aimais autant ça comme j'ai là, je n'aurais peut-être fait mon métier. Mais bon, là, je suis à la retraite et on est bien à la retraite, vous savez. Donc, avant de passer à la pochette surprise qui a été choisie, je crois que c'est la numéro 4 qui a été tirée par Rodolphe, enfin qui a été demandée par Rodolphe, qui a été tirée au sort, puisque j'avais la 1, la 3, la 4 et la 5, je crois, de demander. J'ai été obligé je pouvais pas faire la décision, donc dans mon petit chapeau, j'ai tiré au sort pour ceux qui l'ont pas vu. Vous pouvez aller voir la vidéo sur la page de Didier & Co. Et vous pouvez me suivre aussi, me faire de petits coucou de temps en temps. C'est très plaisant de voir d'où on est écouté, d'avoir des petits bonjours. Donc, je rappelle que la semaine prochaine, le 19, nous serons donc en fréquence, le 26, autant pour moi. Le 19, c'est le canal. 19, je crois que c'est aujourd'hui. Le 26, nous serons en contact avec Jean Guibray qui nous parlera depuis le département 85. On va parler Citizen Band, la bande du citoyen, le 27 mégas. Le premier réseau social, donc il y aura une émission consacrée à ça, mais avec des petites, vous verrez, il y aura des petites choses bien sympas. Pour ceux qui connaissent, ils vont apprécier. Pour ceux qui connaissent pas, ils vont découvrir ce qu'était la Citizen Band, ce premier réseau social, et à quoi ça servait, et surtout, en ce moment, à quoi ça pourrait servir, parce que la CIBU pourrait être encore très utile, très très très utile, notamment avec une petite pensée à tous ceux qui sont inondés, qui ont les pieds dans l'eau. Ça reste quand même un moyen de communication qui est peu coûteux et qui permet de faire déclencher des secours s'il y a besoin. Mais aussi de pouvoir discuter d'une maison à l'autre. Il y a pas d'électricité, il y a pas d'eau, il y a pas de gaz, il fait froid, c'est humide. La CIBI, elle peut fonctionner. Il suffit simplement d'avoir un poste émetteur, petit poste. Hein, c'est pas la peine d'avoir un gros poste, d'avoir une batterie de voiture. Ça doit se trouver quelque part. Un fil, enfin deux fils, un plus un moins. On branche et on fait power et ça fonctionne. On va chercher la fréquence, le canal. Et puis ça se fait tout seul, et puis c'est assez marrant, c'est ludique. Donc voilà une petite pensée. Donc on en discutera très profondément avec Nicolas aussi, qui sera présent, qui lui fait une radio un petit peu plus importante. On parlera aussi un petit peu des RA, des radios amateurs, hein, de la Drasec et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc aujourd'hui, l'histoire continue. Nous n'utilisons plus les feux de joie, mais la 5G, le streaming numérique. Pourtant, l'objectif reste le même. C'est celui de nos ancêtres. Briser la solitude et abolir les distances. De la pioche de Samuel Morse. À notre sémaphore, le fil de la communication n'a jamais été rompu. Depuis la caverne jusqu'au podcast que nous fait d'ailleurs gentiment notre podcasteur principal et adoré Florent Amigo. Un petit coucou à toi Florent, merci encore pour ton travail, je ne cesserai de le répéter. Voilà, vous pourrez donc réécouter ce podcast et cette émission ultérieurement sur la page de Didier & Co et sur mon lien bien sûr. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Voilà, depuis les cavernes jusqu'au podcast, nous n'avons jamais cessé donc d'écouter la même chose. On écoute quoi ? On écoute une voix ? On écoute une musique ? On cherche une autre voix pour lui répondre ? La technologie change. L'écho, lui, il reste. Des grottes aux ondes, des bateaux pirates aux studios associatifs. Ce n'est pas le monde qui parle, ce sont des voix qui se cherchent. Voilà. Tant qu'il y aura quelqu'un pour parler, comme moi au micro, ou d'autres bien sûr, et quelqu'un pour tendre l'oreille, la radio ne mourra jamais, elle changera simplement de forme. Merci à vous, c'était Didier & Co, Genèse de la radio, Arc-en-Ciel 96.2. Et avant de passer à la pochette surprise, un petit final en musique. Hey, I can't find nothing on the radio. Y'all turn to that station. We'll be right back. Eh bien voilà, Arc-en-Ciel 96.2, 15h38, un petit coucou à Nicolas qui je sais est derrière. J'espère Nico que tu aimes bien le rock'n'roll parce que ça va être l'intitulé de la prochaine surprise avec une quinzaine de titres très très rock'n'roll là. Allez, ça c'est une petite pochette surprise qui a été demandée par Rodolphe. Donc Rodolphe, spécialement pour toi et pour tous les auditeurs et les auditrices que j'embrasse, que je salue. C'est parti. Didier & Co. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 MHz. Leaving. you're gonna be oh so sorry. You treat me this way. Mind is a cat music. would steal my soul and holler for features. Cat music, cat music, cat music, cat music, cat music. Show high respect on me. Cat, cat, cat, cat, cat, arc-en-ciel, Orléans, 96.2. Eh oui, c'est le rock and roll, c'est la pochette numéro 4 et qui a été demandée, sélectionnée par notre ami Rodolphe. Voilà, j'en fais un petit clin d'œil à Nico qui m'a répondu tout à l'heure en me disant qu'il écoutait la FM puisqu'il était en voiture du côté de Neuville-au-Bois. Voilà, donc maintenant ça c'est fait, on sait qu'il nous a écouté depuis la FM et vous, vous nous écoutez donc sur la FM ou sur le streaming donc de la web, enfin de la web radio. Je vais me faire gronder sur le streaming donc de radioarcenciel.com, bien sûr sur internet. Eh bien, on va continuer avec un petit morceau de rock and roll, bien sûr, puisque c'est la sélection du jour. Et je vous dis que dans les sélections des 15 à 16 morceaux écoutés, il y aura vraiment de toutes les musiques. J'ai fait plus de 27 pochettes qui sont toutes les unes aussi bonnes que les autres. Et donc, c'est parti pour Dixie Freehand. In his pocket and he flashed a quad and hollered, "Rave on, children, I'm with you. Rave on, cats," he cried. "It's almost dawn and the cops are gone and let's all get Dixie fried." Now Ben got happy and he started raving. He jerked out his razor but he wasn't shaving. And all the cats knew to jump and hop. But he was torn and raised in a butcher shop. He hollered, "Rave on, children, I'm with ya. Rave on, cats and cry. It's almost dawn and the cops are gone. Let's all get Dixie fried." The cops heard Dan when he started to shout. This is what he had to say. Holler, "Rave on, children, I'm with you. Rave on, cats, they cry. It's almost dawn and the cops are gone. Let's all get Dixie fried. Get right." He let us all know he wasn't scared of the law. And through the black crossbar, he tossed a note to his dicks. He said, "It ain't my fault, hun, that I'm in here." But holler, "Rave on, children, I'm with you. Rave on, cats," he cried. "It's almost dawn and the cops ain't gone. And I've been Dixie fried." C'était bien sûr Monsieur Carl Perkins. Jumped up, rock and roll, drugstore's rocking, rock, rock, couples are bopping, bop, bop, jukebox jumping, jump, jump, feet keep popping, bop, bop, drugstore's real gone, man, rock, bop, jumped up, rock and roll, drugstore on the corner of Main, that's where you find all the people in, the girls fill the jukebox. doors are rocking, rock, rock, couples are bopping, bop, bop, jukebox jumping, jump, jump. Appel téléphonique intempestif et pas encore le réflexe du jeune débutant animateur de couper le son de la radio et voilà, on prend le téléphone en direct. Au moins, ça prouve bien une chose, c'est que nous sommes en direct. Et là, j'espère que vous avez été au drugstore avec madame Janice Martin qui nous a amené au drugstore rock'n'roll et on va aller écouter donc une non moins bonne rockeuse que j'ai eu le plaisir, l'honneur et la joie de rencontrer à Tours lors d'un festival à rock'n'roll mais aussi music country. C'était l'American Tour Festival il y a quelques années. J'ai rencontré cette dame. I've been to Nagasaki, Hiroshima too. The same I did to them, baby, I can do to you. Cause I'm a Fuji, I'm a mama. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. I drank a quarter sake, smoked dynamite. I chase it with the backy and then shoot out the light. Cause I'm a Fujiyama mama and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Bien sûr, petite par la taille, mais grand par le talent, Madame Wanda Jackson. Et maintenant, it's just great balls of fire. Kisses the baby. Mmm. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love the ship. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails down and I twitch on my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Fire. not a club is good. You're fine, so kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill that I quit on my thumb? Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby, drive crazy. Goodness, this great, this is great. Balls of fire. North 40 tall. There ain't nothing you can tell me I don't already know. I got a rocket in my pocket and I'm ready to go. Let's go someplace so we can rock a bit. I got a rocket in my pocket and the fuse is lit. Ciel 96.2, c'est Didier & Co. Pochette surprise. Well, yes, now, Mama, don't you think I know what you've been putting out? Mama, don't you think I know? all when that midnight train starts rolling down that line. The long loving daddy's gonna have an easy mind. Play blues, bro. You made a fool of me. My head is hanging low, Lord. You done made a wreck of me. No use to say you love me. It ain't nothing but a lie. You done told me that before, and then you left me high and dry. I don't never want to see you hanging around my door no more. Mama, don't you think I know what you done used me for? And then you left me high and dry. I don't never want to see you hang around my door no more. Mama, don't you think I know what you done used me for? Well, yes, now, Mama, don't you think I know what you done used me for? Mama, don't you think I know? Well, Mona Lisa, Mona Lisa, meant I'll name you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only, or is it lonely, do you have a name you? For that Mona Lisa strangeness in your smile. Well, do you smile to tempt the lover, Mona Lisa? A way to hide a broken heart. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Just a cold and lonely, lovely work of art. A girl whose beauty stains her lovers. Many dreams have been brought to her, they all come down. What does she want? Nobody knows. Well, Mona Lisa, Mona Lisa, man, I'll name you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only, are you lonely? Have a name you for that Mona Lisa strangeness in your smile. Now, well, do you smile to tempt the lover, Mona Lisa? Or is this the way to hide a broken heart? Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Just a cold and lonely, lovely work of art. Or just a cold and lonely, lovely work of art. Pochette surprise, numéro 4, sélection rock'n'roll par monsieur Rodolphe Popo. Salut Rodolphe. Allez, on continue. C'est parti, rock'n'roll. Baby, jump over here when you do the ooby dooby. I just gotta be near ooby dooby, ooby dooby. Ooby dooby, ooby dooby, ooby dooby, ooby dooby, ooby dooby, ooby dooby, when you shake like a big rattlesnake. You do a looby dooby till you think your heart breaks. Looby dooby, looby dooby. Through my hair, come along and be my party doll. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. I'll make love to you, to you. I'll make love to you. Well, I saw a gal walking down the street, the kind of a gal I love to meet. She had blonde hair and eyes blue. Baby, I wanna have a party with you. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. I'll make love to you, to you. I'll make love to you. Every man is gonna have a party doll. To be with him, but when he's feeling wild, to be ever loving, true and fair, to run her fingers through his hair, to run her fingers through his hair. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. Come along and be my party doll. I'll make love to you, to you. I'll make love to you. 16h15, Radio Arc-en-Ciel 96.2, vous êtes toujours avec Didier, Didier Co, c'est la pochette surprise numéro 4 sélectionnée par Rodolphe. Vous aimez le rock'n'roll? Eh bien, si vous souhaitez retrouver cette émission en podcast, vous l'aurez bientôt, c'est sur les soins de Monsieur Florent Amigo, et vous la retrouverez sur la page de Didier Co, sur les réseaux Facebook, 96.2, Arc-en-Ciel, Didier Co, ça continue. Took my blue suede shoes down to Old Mobile. Got to rockin' with a rhythm, run 'em over at the hill. But put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna really rock 'em right. Kitty, put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna really do it right. Well, I stick up myself till I look like a ditty. Then I run downtown and get my female bitty. Tonight we're gonna really rock and ride. Kitty, put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna really do it right. That fruit jar, bebop and rhythm, pick the toenails up tomorrow. Put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna really rock on right. Kitty, put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna really do it right. Well, if cats know, she gets that rockin' beat. She knocks the polish off her toes. Put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna really rock 'em right. Kitty, put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna really do it right. Oh, cat clothes, cat, cat, cat clothes, cat, cat, cat clothes, cat, cat, cat clothes, cat clothes on. Ah, j'espère que pour vous tout se passe bien dans ce vol numéro 12 Didier Co et la pochette surprise. Alors, qu'allons-nous trouver dans les prochaines surprises parties musicales? Eh bien, la pochette 1, c'est les années 60 d'hiver. Il y a du... Ah, ensuite, il y en a une prochaine, c'est la 10, c'est la Latino Musica, musique passe au double. Tango, valse, parce qu'il en faut pour tout le monde. Nous avons aussi les racines du blues, les racines du rock and roll, les racines de la country music, la country actuelle, les années pop, les années disco, le funky town, les années 80, bien sûr, la pop, des années 70 à ce jour, le soul Motown, des pochettes new wave, la reggae, vibe des îles, jazz crooner, le rap, le R&B, les plus belles voix du blues et du rock, les légendes, les années 80 France, les années rock'n'roll mix, Brésil, energy power, ah, du punk, rock, garage, de le zoukafro, la musique du monde. Les régions chants et folkloriques. Alors attention, je vous dis pas les numéros, hein. Vous les découvrirez sur la page. Les légendes. Tout ça, c'est dans Didier Co. Et là, on continue avec monsieur Eh bien, je pense que c'est monsieur Jim Vincent, toujours pochette numéro 4, rock'n'roll. Well, everybody's talking about a working man. Nobody's talking about a rolling man. Everybody's talking about a working man. Nobody's talking about a rolling man. Rolling man, he was a rolling man. Women up against the wall, and I'm telling you, man, this cat, I fool them all, 'cause the rolling daddy, he was a rolling man, man, man. I need my mom, mama. I'm in love with my mom, mama, pretty mama. Well, they call me Study Papa, but the heart to see me love my mama. I'm a walking down Post Street on my way. Just a walking down Post Street on my way. Where the jukebox play that loud. your mama. I'm a nuts about my mama, my mama, my mama, my mama, my mama, my mama, pretty mama. Now they call me Southern Papa, but the heart to see your love, my mama. Hey! George, I'm through with you. But the new dude, the mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, me, me, me, me, your pretty mama. I'm crazy about my mama, mama, mama, mama, mama, mama, me, me, pretty mama. Well, they call me Sonny Papa, but they're hard to see me love my mama. When the place goes down and the band can't sell no more. When the place cold down and the band can't sell the boat, then I grab my mama's hand and my mama through the door. So when the work's done, I like to play. And I like my woman to hold me tight. That ain't nothing but right. Oh, that ain't nothing but right, baby. That ain't nothing but right. Don't rub me wrong and I'll string along. But that ain't nothing but right. I like my coffee black and strong. I like my auto big and long. Well, I love my woman all day and night. That ain't I like to cuddle up when it's cold. I'd rather make love and fuss and fight. That ain't nothing but right. Oh, that ain't nothing but right, baby. That ain't nothing but right. Don't Since the time that Adam made love to Eve, he made the whole wide world believe. But if a man needs a woman just to hold him tight, that ain't nothing but right. Oh, that ain't nothing but right, honey. That ain't nothing but right. Don't rub me wrong and I'll string it long on, cause that ain't nothing but right. 16h31, Radio Arc-en-Ciel, Orléans 96.2. Je vois que le soleil arrive, ça fait plaisir. Il nous reste une petite demi-heure, une petite dizaine de minutes, un quart d'heure, pour cette quatrième pochette. Et après, je vais l'ouvrir moi-même. Je vais faire sauter le craft. Je vais vous mettre moi-même un petit morceau de la pochette numéro 1 pour sortir donc de ce dernier quart d'heure, puisque nous avons commencé un petit peu plus tôt. Et j'en profite pour rappeler que cette semaine, c'était donc dans le vol numéro 12, un petit peu de jeunesse de la radio. Et la prochaine émission, donc dans une semaine, tout simplement, ça sera le volet numéro 2 avec la Citizen Band. Et le 12, donc ça sera le 26 février. Et le 12 mars, nous continuerons le troisième volet avec, entre celle du 26 et celle du 12, nous aurons une petite intermède d'une autre émission que je donnerai un petit peu plus tard. Alors, si vous aimez le rock'n'roll, retrouvez donc le podcast fait par monsieur Florent Amigo, notre podcasteur international. Et on va continuer cette pochette surprise 4, sélectionnée par Rodolphe, avec un rock'n'roll. Now I work hard and I draw my pay, so when work's done I like to play. And I like my woman to hold me tight. That ain't nothing but right. Oh, but that ain't nothing but right, baby. That ain't nothing but right. Don't rub me wrong and I'll string along, but that ain't nothing but right. I like my coffee black and strong. I like my auto big and long. Well, I love my woman all day and night. That ain't I like to cuddle up when it's cold. I'd rather make love and fuss and fight. Cause that ain't nothing but right. Oh, that ain't nothing but right, baby. That ain't nothing but right. Don't rub me wrong and I'll string along. Cause that ain't nothing but right. He made the whole wide world believe. But if a man needs a woman just to hold him tight, that ain't nothing but right. Oh, that ain't nothing but right, honey. That ain't nothing but right. Don't rub me wrong and I'll string it long gone, cause that ain't nothing but right. Ooh, well, I gotta get over the record machine when it comes to rockin', she's a queen. We love to drink and on a Saturday night. All alone where I can hold her tight. But she lives on the 20th floor uptown. The elevator's broken down, so I won't fly. Cette pochette surprise numéro 4 avec monsieur Eddie Cochran, dédié spécialement, dédicacé à monsieur Lucky. I'm too tired to rock. Well, she called me up on the telephone. She come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with the aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 more. Up on the 12th, I'm ready to drag. 15th, the 4th, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. stairs till it's a fixed on my usual stairs. Hope the hair ever before it's too late. Oh, my baby, too much to wait. All this climbing is a getting me down. To find my corpse draped over a rail, but I climb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up on the 12th floor, I'm ready to drag. Where the 15th floor, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Alors, dans le rock'n'roll, la parité n'est pas respectée, mais comme j'aime bien les voix de femmes, et puis celle-là particulièrement, je vais vous remettre un de ces morceaux. Madame Wanda Jackson. Et là, on va partir avec un petit groupe français. J'ai été pioché un petit peu dans les réserves et j'ai trouvé ceci que je dédicace à toutes les secrétaires de France et de Navarre. On y va pour Dactylo Rock ? Oui ! Ouais, attention les gars ! 1, 2, 3, 4. Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes la plus belle âme. Vous savez. Elle travaille le jour et la nuit, et même parfois tous les amis. Les dactylora, tigri tigri tigri, dactylora, tigri tigri tigri. Elles sont les plus parfaites, elles sont toutes à fond de toutes les mains. Viva Bolula, viva Bolula. Dans tous les bureaux de France, en haut, les dactylos de Marne, dans les lampes, dans leur histoire. Pas se quitter sans l'idole des jeunes des années 60, monsieur Johnny Hallyday. Les gens m'appellent l'idole des jeunes.

Elmo James Dusty My Burn. Il nous reste, allez, un petit quart d'heure, simplement pour vous rappeler que c'est toujours Didier & Co, pochette surprise numéro 4, demandée par Rodolphe et tiré au sort. Le principe, il est simple, vous allez sur la page Didier & Co, vous regardez les pochettes surprises qui sont positionnées et proposées, vous proposez un numéro, et puis, bah, si plusieurs le demandent, ce sera celui-là. Si jamais il y a des égalités, il y aura un tirage au sort, comme aujourd'hui. Et puis on écoutera. Alors il y a de tout. Hein. Ça passe de la musette au tango, passe au double, en passant par le blues, tango, je le dis, rock, soul, reggae, tous les styles, de la région française, du folklore. Donc ne soyez pas surpris devant chaque pochette. Il y a quand même le thème, mais il n'y a pas les titres à écouter. Donc à vous de faire votre choix, je vous attends à partir de maintenant sur Didier & Co. Et dès ce soir ou demain matin, je vous mettrai les pochettes à venir pour les prochaines émissions. Allez, on continue pour le terminal de ces 10 dernières minutes. Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. Ah, comment dans cette heure dédiée au rock'n'roll ne pas passer la voix du King? Là, c'était beaucoup plus calme, mais il fallait quand même y faire un petit clin d'œil, mais il y en aura bien d'autres, vous inquiétez pas. Simplement pour vous rappeler que samedi, à l'espace Bérère, vous aurez la possibilité de venir au Mavrica c'est pas le Mavrika Live, je me trompe, c'est l'Auditorium Opus Mavrika, pour écouter deux groupes, donc Swing Camille et Recto Verso, et puis il y a plein de concerts qui vont pas tarder à commencer, donc on en parlera, et on va donc continuer et bientôt terminer ces 3 heures, il est 16h52, avec tout simplement ceci. Blueberry Hill. avant de nous quitter avec Last Night, comment ne pas passer à Monsieur Fast Domino. 16h57, c'est bientôt l'heure de revenir sur le tarmac. J'espère que vous avez passé un agréable voyage avec Didi & Co, vol numéro 12. C'était la pochette surprise en deuxième partie numéro 4, sélectionnée par Rodolphe. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous dis à la semaine prochaine avec toute mon énergie, tout mon plaisir d'être avec vous, le sourire et le soleil, j'espère surtout. À très bientôt. Bye bye. E a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, que lhe quero fazer é esta, tão simples. Ouvi muitos territórios, muitos autarcas, empresários, cidadãos que querem e desejam, por um lado, a prorrogação do estado de calamidade e a integração desse...